pas en même temps que lui, mais ça devient les affaires qu'il jouait. Mais on rentre en même temps, mais pas. Thank you. La base. Je veux donc voir. Ouais.